Selon le journal internet sud-coréen Tongil News, l'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye a publié le 10 un commentaire à propos de la décision de la Cour constitutionnelle sur la destitution de Park Geun-hye. Le commentateur y souligne qu'il ne faut pas s'arrêter à sa destitution présidentielle, mais que l'on doit l'arrêter pour les enquêtes. Le même jour, à la proclamation de la décision sur la destitution de Park Geun-hye, toutes les presses sud-coréennes l'ont rapporté simultanément.